Ça c'est les sentiments. C'est pas forcément des bêtises. Allez parle. Je voulais aller mollo, je suis puissant bébé, je suis désolé. Ah désolé. C'est son cœur j'ai piqué, trop de charisme, j'ai pas fait exprès. J'ai la mélo facile, obligé qui t'en fait danser. Allez bina. La guitare les fait danser. Oui, bina. La guitare les fait danser. Allez, faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Puissant, attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. On est puissant. Oh oh. Allez, on va se balader si tu veux. Si tu veux. J'ai le camo, je vais où je veux. J'ai la CB, je paye si je veux. J'ai quoi? J'ai les billets, je m'envole si je veux. Allez, on va se balader où tu veux. Oui, oui. J'ai le camo, je vais où je veux. Quoi? J'ai la CB, je paye si je j'ai veux. Quoi? J'ai les billets, je m'envole si je veux. Allez, tchao. Le biggie, j'ai rien d'étonnant. La tendance, c'est moi la tendance. J'les bestos, voilà ce que j'en pense. Le dossier est classé, c'est géré. Boulangerie préférée. Petit, viens voir, on va te montrer nous comment. J'voulais aller mollo, j'suis puissant, bébé, j'suis désolé. Ah, désolé. C'est son cœur, j'ai piqué. Trop de charisme, j'ai pas fait exprès. J'ai la mélo facile, obligé, qui t'en fait danser. Allez, bina. La guitare les fait danser. Oui, la guitare les fait danser. Allez, faut pas attraper ma veste. Attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. On est puissant. Oui. Puissant. Attraper ma veste. Attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Faut pas attraper ma veste. Jamais. On est puissant. Oh oh. Allez, on va se balader si tu veux. Si tu veux. J'ai le camo, je vais où je veux. Quoi,